Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un auteur pas comme les autres puisqu'il nous vient tout droit d'Australie, Olivier Vogetta, bonjour. Bonjour Sarah. Je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation. Apparemment. Et ravie que vous soyez donc présent avec nous sur Fadjet. Alors, le format de l'émission reste le même. On va avoir 5 questions avec des coupures musicales, Olivier, que vous avez choisies. Et puis, à la fin, on fait ce qu'on appelle le caprice de la semaine. Souvent, c'est l'invité qui en parle. Donc, c'est un livre, qu'il soit récent ou plus ancien, que vous avez aimé et que vous avez envie de partager avec les auditeurs. Très bien. Olivier, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Alors, on y va. Alors, Olivier, vous êtes à la fois auteur, critique littéraire, animateur. Vous avez 3 livres à votre actif, dont celui dont on va parler tout au long de cette émission qui s'appelle « Aimer encore ». Comment alliez-vous ces 3 fonctions ? J'avais presque envie de dire ces 3 passions. Comment on arrive à se couper comme ça en 3 ? Bah, ces 3 passions, elles sont intrinsèquement liées les unes aux autres et elles correspondent à mon envie quelque part d'étendre mon champ d'action et d'ouvrir mon champ des possibles dans le domaine de la culture et de la littérature et des mots de façon large, au sens large du terme. Donc moi, je ne les considère pas comme 3 activités différentes, mais plutôt comme une seule. D'accord. Une seule et même activité, voilà, qui me tire de mon quotidien et qui correspond à ma passion. D'accord, ok. Alors, vous venez de terminer une série de dédicaces en France, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui en Lorraine, après une carrière de trader. Alors c'est un parcours assez atypique, on passe de trader à écrivain. Est-ce que l'écriture a toujours été là, un petit peu sous-jacente? Et là, à un moment dans le parcours de votre vie, vous vous dites, allez, ce sera écrivain. L'écriture, elle a commencé pour moi, sans doute, aux alentours de l'âge de 7 ans. D'accord. Qui est la fin de l'âge de l'innocence, on pourra dire. Donc elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Je crois que là, j'ai la réponse à ma question. Elle a toujours été là, mais elle a été mise en pause pendant quelques années, ouais. quand j'ai fait mes études et, okay. et pendant la période d'adolescence. Ouais. Mais elle a repris de plus belle quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, donc en banque, okay. où là, j'ai vite compris que manier les chiffres, ça n'allait pas me suffire. Ouais. Et je me suis mis à jouer avec les mots. Et c'est ça qui a finalement donné une espèce de balance vital à ma vie. Parce que c'est vrai que c'est quand même deux mondes un peu opposés dans mon esprit, où il y a et les chiffres et l'écriture ou la lecture. Tout à fait. Mais les chiffres, quelque part, c'était quasiment un moyen de nourrir mon écriture à un moment donné de ma vie. D'accord. C'est-à-dire que je me considérais vraiment comme un journaliste gonzo, ouais. Pour reprendre le terme donc, de Hunter Thompson. Donc j'étais vraiment comme un agent double, un infiltré dans la banque en tant que trader pour pouvoir écrire après les histoires dessus. Et c'est D'accord. pour ça que j'écrivais sous pseudonyme d'abord dans ma carrière littéraire. D'accord, ok. Alors on va faire une première pause musicale, une pause que vous avez choisie, Olivier, de Angel, Balance ton quoi. Pourquoi ce choix ? Ben, un choix dans l'air du temps, un choix féministe. Ouais. J'aime les femmes, je les défends. Et puis dans mon roman Aimer encore, on en parlera peut-être après, mais je suis un partisan de Stella, qui est l'héroïne, et c'est elle que je soutiens en écrivant ce livre. Ok, alors on se retrouve juste après, Angèle. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour la deuxième partie d'émission, toujours en compagnie d'Olivier Vogetta, qui se soumet volontiers à cet interrogatoire musclé. Alors, Olivier, pour la troisième question, on va plutôt se pencher sur votre dernier livre, Aimer encore, qui est une histoire d'amour pas comme les autres. Alors, je ne vais pas trop spoiler pour les futurs lecteurs, mais c'est plutôt une histoire d'amour qui est subie, on va dire par écran interposé. Et donc, vous mettez en scène Stella, qui est une jeune femme dynamique, de son temps, intelligente, installée socialement. Comment vous arrivez-vous, en tant qu'homme, à percer la psychologie féminine avec ce tel niveau de précision ? Alors, je fais sans doute cela à plusieurs niveaux, mais déjà, je suis marié et j'ai deux petites filles, donc ouais. J'ai beaucoup de femmes à la maison que je peux observer à loisir. Et puis aussi, cette histoire donc, m'a été rapportée en fait, par une jeune femme à qui c'est arrivé. Et donc, on en a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup imprégné de ses sentiments, de son ressenti et de ses interrogations aussi, parce qu'elle-même, elle ne comprenait pas comment on peut en arriver là. Après, moi, en tant qu'écrivain, j'ai une sensibilité quand même à fleur de peau. Mm-hmm. On m'a souvent dit que j'avais une part de féminin en moi. Ouais. Et donc, sans doute, cela m'a un peu aidé aussi en me mettant dans la peau donc de Stella, mon héroïne. Et puis aussi, je dois dire que moi, j'ai une écriture viscérale. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que je me mets dans la peau de mon personnage, je le vis vraiment, à la façon de ces acteurs qui ont du mal de sortir de leur vous personnage. Vous vivez avec lui Moi je vis. Donc, j'ai vécu dans la peau de Stella pendant quelques mois d'écriture, où c'était une sorte de frénésie. Et je ne voyais le monde et les autres qu'à travers ses yeux. Ok. Donc, c'était une période assez spéciale pour moi, assez intense, enivrante. Mais que j'ai beaucoup aimé et que j'espère j'ai rendu à travers ce tourbillon d'écriture que j'ai voulu rendre dans cet ouvrage. Parce que en fait, quand on referme le livre. Moi, je me suis posé la question, est-ce que vous avez un petit peu enquêté avant d'entamer l'écriture, vous savez, sur tous ces sites de rencontres dont je ne citerai pas le nom ici, qui sont justement très accrocheurs comme ça, où on nous fait croire monts et merveilles, en fait. Est-ce que vous avez un petit peu enquêté, voir les profils, comment ça pouvait se passer ou... Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Donc, je me suis créé un compte et j'ai essayé moi-même et j'ai regardé un peu comment ça se passait et j'ai vite découvert que c'était un univers où on fait comme si il n'y avait pas de jeu de pouvoir, donc c'était un univers d'anomie, et en fait j'ai découvert un univers où justement il y avait encore plus de jeux de pouvoir que dans un autre environnement, justement parce qu'on faisait comme s'il n'y en avait pas. Okay. Et il y a des vraies hiérarchies, des vrais jeux d'influence, des vrais codes. Donc c'est très codifié, c'est très particulier comme environnement. Parce que ça fait presque peur. Peut-être pas dans un premier temps, mais en tout cas ça peut faire peur quand les cerveaux s'emballent. Et moi c'est ça qui m'intéresse, ça me fascine les cerveaux qui s'emballent à l'ère d'Internet, les personnes qui se rendent folles toutes seules à travers Internet, à travers par exemple ces fragments numériques qui nourrissent un réservoir incommensurable de souffrance, parce que si quelqu'un n'est pas mis dans une discussion ou pas invité à un dîner et qu'elle voit le lendemain une photo de ce dîner, elle va dire mais pourquoi j'étais pas invité par celui que je croyais être et mon copain, etc. Elle va faire plein de suppositions. Donc voilà, et après ça, c'est et plein d'interprétations, ouais. Et je crois qu'Internet aussi c'est, enfin les sites de rencontres c'est une expérience terriblement solitaire finalement, parce qu'on est chacun individuel à regarder son écran et à nourrir cet écran de ce qu'on veut bien lui donner. Et après, oui, effectivement, on reçoit quelques likes, quelques commentaires. Donc, on va dire que c'est à deux niveaux, mais c'est plutôt très solitaire. Je crois que ça isole plutôt que ça ne confédère. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent être super connectés, avoir plein d'amis. Et je pense qu'il y a une grande, grande solitude. Ça dépend de la définition qu'on donne d'amis derrière tout ça. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Ce sera la quatrième. Pensez-vous que la dépendance à l'amour, l'attente ou le désir d'être désiré par un homme, c'est d'ailleurs ce que Stella décrit très, très bien. Cette recherche, en fait, est-ce qu'elle est inhérente en chacun de nous ? Je vais lire le passage que j'ai choisi, d'ailleurs, pour vous poser cette question. C'est un passage que je trouve absolument magnifique. « Les histoires d'amour sont comme des territoires étrangers, ne peuvent les comprendre que ceux qui les ont traversées. Ils s'organisent autour de frontières interdites, de géographies inconnues du reste du monde, inconnues même de ceux qui s'y étaient installés. » Et d'ailleurs, l'héroïne dit « Je suis une réfugiée venant d'un pays séparé du monde d'un coup de canif. » Et en fait, elle est absolument seule, mais la seule chose qui la nourrit, c'est cette dépendance, c'est l'attente. Et l'attente toute la journée, tous les soirs et toute la nuit, s'il faut un signe de l'être aimé. Est-ce que ça, ce serait... Alors, peut-être que ma question est un peu plus philosophique, mais je me dis, est-ce que ça, c'est inhérent en chacun de nous, trouver sa moitié ou trouver des sentiments partagés, quelque part Alors, il y a Georges Bataille qui est à l'origine d'une phrase que j'aime beaucoup. Ce que l'on considère comme étant digne d'être aimé est ce qui nous renverse, c'est l'inespéré. Et je crois que pour Stella, c'est un peu ça. C'est-à-dire, malgré tous ces déboires romantiques, toutes ces relations avortées dans le monde réel, elle continue. Donc, elle est résiliente, Stella. Oui. Elle continue à y croire et c'est pour ça qu'elle va sur ce site de rencontre. Fondamentalement, elle croit en l'amour. Elle croit en la rencontre du prince charmant. Et elle confirme finalement que l'amour, c'est avant tout une croyance. L'amour, c'est avant tout les histoires d'amour qu'on se raconte tard le soir, à soi-même. Parce que si on ne croit pas en l'amour, malgré les qualités physiques, intellectuelles de la personne, comment expliquer que vraiment on tombe amoureux si on n'y croit pas ? C'est une croyance pour moi. Et je crois que Stella, c'est une obsessionnelle de l'amour. Elle a envie d'y croire, elle a un cœur Le seul problème, c'est qu'elle ne sait plus s'en servir. Et elle essaye malgré tout de retrouver le mode d'emploi de la vie et de l'amour à travers ce média qui est son écran. Ouais. Et c'est difficile. Ou alors après, bon, je vais un peu plus loin, mais promis, après, je vous embête plus. Est-ce qu'elle ne voulait pas absolument réaliser le rêve de toutes les petites filles que nous, femmes d'aujourd'hui, avons été, c'est-à-dire le prince charmant, la robe de princesse, le cheval blanc et tout ça, en fait? Est-ce qu'elle n'a pas voulu aller au bout du bout? Parce que, voilà, ça se termine de manière dramatique pour le protagoniste en face, mais je me dis, mais en fait, est-ce qu'elle ne voulait pas absolument cocher cette case-là avant de pouvoir passer à autre chose, en fait? Ah, certainement, ouais, non. Elle s'inscrit dans un modèle qui peut-être est en train de changer avec les nouvelles générations, sans doute. Mais elle est issue d'un modèle social acceptable où la femme va faire un grand mariage, va avoir des enfants et va quelque part avoir un peu une position pas de soumise dans son couple, mais quand même avec cette image du père ou du mari fort. Dominant un petit peu. Dominant, le père de famille, et elle-même donc a une absence dans sa vie, donc l'image du père qui n'est pas là. Et donc sans doute, par projection, elle recherche quelque part une figure paternelle Pour combler ce vide, ouais. Forte. Et Guillaume est un être certes diabolique, mais foncièrement intelligent, fort, charismatique, et sans doute ça l'impressionne. Ouais. Alors, deuxième choix musical pour vous, Olivier, c'était Dominique A, Au revoir mon amour. J'adore. Ok, c'était donc on y va, et on revient juste après pour la dernière question. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi, c'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Et à plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. caprices de lecture sur Fadjet. Dernière partie de cette émission Caprice de lecture avec Olivier Végéta pour son dernier roman Aimer encore. Olivier, pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont vos projets pour cette année 2023? Alors, projets, il y en a plein. Il y en a énormément. Vous faisiez référence au début de l'émission à mes diverses activités. Oui. Donc l'année dernière, comme je travaille pour l'Alliance française à Sydney, donc j'organise ce qu'on appelle des philo-bistro, donc des débats philosophiques et sociétaux tous les mois. Donc j'ai re-signé avec l'Alliance française et suis en train de faire la programmation pour 2023. Donc okay. On va commencer en avril avec donc une émission tous les mois qui sera à la fois pour le public à Sydney, mais aussi sur Zoom. Donc tous les auditeurs peuvent s'inscrire et écouter. Donc ça, c'est le premier projet du point de vue de rencontre. Mais les autres projets du point de vue littéraire, alors je travaille sur le troisième tome de ce cycle des Encore, donc de mes romans de l'Encore. Donc j'ai écrit Courir encore, là il y a Aimer encore, il y aura un troisième sur lequel je travaille et que je voudrais finir cette année. Ok, oui, ça fait beaucoup de choses. Voilà, qui s'appellera Écrire encore. Et puis aussi quelque chose qui est venu à moi presque naturellement, parce que je suis papa de deux petites filles, oui. 9 et 4 ans, et Anna et Emilia, charmantes. Et je me suis dit que comme je suis écrivain, c'est pas possible que j'écrive pas pour les enfants ou pour la jeunesse. Okay. Il y a quelques jours, j'ai suivi un atelier spécialisé dans la scénarisation de romans jeunesse. Et donc, je vais me lancer dans l'aventure et je vais essayer d'écrire un roman jeunesse, mon premier, cette année. Donc, ça fait beaucoup de beaux projets. Voilà. Bien conséquents. Bah, on vous souhaite de pouvoir les mener tous à bien. Merci. Très super. Merci ça. On va faire une dernière coupure musicale avec Sébastien Tellier et après on reviendra pour votre caprice de la semaine, Olivier. Merci. J'aime aussi Caprice de lecture sur Fadjet. Nous terminons, comme le veut la tradition, cette émission Caprice de lecture par le caprice de la semaine que va nous présenter Olivier Bogetta. Olivier, c'est à vous. Alors, je ne sais pas si c'est un caprice à proprement parler, mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur. J'ai découvert donc il y a quelques mois les ouvrages donc de Geoffrine Donadieu, qui est elle-même originaire de Lorraine, née à Toul, où moi j'ai vécu. Et donc il y a son Chien et Louve qui a obtenu le prix de Flore récemment, on l'a tous lu, il est très bien. Mais moi, mon coup de cœur vraiment, c'est Une histoire de France. Okay. Donc cette histoire de cette petite fille qui s'appelle Romy et qui est abusée par sa voisine. Et, mais l'histoire, c'est pas tant l'abus en lui-même, c'est comment cette petite fille va réussir à s'en sortir. C'est les ressorts qu'elle peut trouver pour finalement s'extirper de cette ligne de faille sur laquelle elle marche. Et vous savez, c'est comme quelqu'un qui marche sur une corde tendue entre deux immeubles. Soit elle peut tomber à droite, soit elle peut tomber à gauche. Et je crois qu'elle, et Geoffrine Donadieu est extrêmement douée pour expliquer ces moments de bascule où tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Et moi, ça, c'est un thème qui me parle. Ouais. Donc, c'est ces points de fracture et cette notion de résilience et comment on peut s'en sortir. Ça me touche et ça m'intéresse en tant qu'écrivain parce que c'est des livres qui peuvent servir à d'autres. Donc ça part d'une histoire qui est finalement assez localisée, mais qui devient universelle et qui peut se passer de main en main. Alors soit les parents voilà, d'enfants qui ont été abusés ou autres de manière générale. Et je crois que moi en tant qu'écrivain, c'est cet engagement-là et cette utilité-là. J'ai toujours envie de faire des livres d'utilité publique qui servent à quelques lecteurs. Même un lecteur. Pour moi, c'est gagné. Un livre qui fasse résonance, en fait. Exactement. C'est ça, hein. Exactement. Qui envoie un message et voilà. D'ailleurs, vous parliez d'Histoire de France. Moi, j'avais adoré Chienne et Louve, justement parce qu'elle met encore en scène deux femmes qui n'ont absolument rien à voir et qui ont quasi 50 ans d'écart, voire même 60. Et on s'attend à ce que cette jeune fille bouleverse la vie de cette logeuse qui s'appelle Odette, qui frise les 90 ans et où en fait tout bascule, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, tout bascule. Est-ce que c'est vraiment cette jeune femme qui a de l'emprise sur Odette ou l'inverse? Voilà, je ne dis pas la suite, mais on est assez d'accord, Geoffrine Donadieu, c'est... Voilà, pour moi, elle est à être connue et reconnue encore en 2023. Et juste sur ce point-là, si je peux me permettre un dernier mot, je crois que la frontière est assez ténue entre être un héros et un salaud. Je m'explique. Je pense qu'à certains moments de la vie, on est tellement sur le qui-vive ou dans une situation délicate que selon ce qu'on va faire, selon nos actions, selon les mots qu'on va utiliser, on va être soit vilipendé, soit porté sur un étendard. Donc je crois que quelquefois ça se joue pas à grand chose la vie, c'est vrai. Les succès, les échecs. Ouais. Et ça c'est beau parce que c'est être foncièrement humain, mais en même temps ça fait peur. Et je crois que pour revenir à Stella et Guillaume, les deux ont du pour et du contre, du bon et du mal. Et ce que j'ai voulu faire avec Aimer Encore, c'est mettre le lecteur dans une situation de responsabilité, de devoir se faire sa propre opinion, décider sur qui est finalement le coupable et le bourreau. Et quelquefois, c'est pas facile de décider. J'aimerais pas être le juge qui préside à ce procès. Oui. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté cette invitation. Ce fut un vrai plaisir. Et pareillement, merci, Sarah. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Aimer Encore, aux éditions La Grande Vague. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté. Et bien évidemment, vous retrouverez l'interview sur fadjet.net et sur capricedelecture.fr. À très bientôt. Au revoir. Merci, Sarah.